Salut. Donc un Lost in Space un peu particulier, vu que... Alors on retrouve notre ami Dominique Psychédélique, qui en avait fait plein d'émissions il y a quelques temps, et qui va nous parler aujourd'hui, enfin nous allons parler plus exactement en commun du rock français, et puis bah, la deuxième spécificité de cette émission, c'est qu'elle a été enregistrée en plein air. Peut-être que certains d'entre vous entendront les cigales, hein, pour dire que c'était enregistré en plein mois d'août, enfin presque fin août, et que c'était une belle journée bien chaude qui, pour vous situer, c'était un peu la journée où ça brûlait un peu de partout, un peu plus au nord-est d'ici. Donc, thématique aujourd'hui, rock français, n'est-ce pas mon cher? Oui, bah, déjà bonjour à tout le monde, bonjour à toi, merci de ton invitation. Le rock français, pourquoi le rock français? Parce qu'en fait, ça, on a toujours dit que c'était le parent pauvre du rock, hein. Je crois que c'était John Lennon qui avait dit que le rock français, c'était pas terrible, je sais plus à quoi il avait comparé. Il me semble qu'il disait que le rock français était au rock ce que la cuisine anglaise était à la gastronomie. Voilà, je l'aurais trouvé en fait, c'était ça, ouais, exactement. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ce Sir John, que je respecte évidemment, parce que dans l'histoire du rock français, parce qu'on va faire une petite historique du rock français, il y a eu pas mal de perles, hein. Alors il est évident qu'on va pas faire un truc exhaustif, il y a tellement de choses. Ça va être surtout, je pense, une émission qui tourne autour de nos goûts, hein, et nos goûts subjectifs qui sont surtout autour du punk rock, tout ça, mais pas seulement. On va voir que ce punk rock français a des lointains ancêtres, même au niveau hexagonal, voilà. Et on pourrait commencer, puisqu'on parlait du punk, les premiers punks en France c'était un peu les existentialistes, tu vois, avec ce cher Boris Vian, hein. Et ça c'est un truc qu'on va voir, un leitmotiv qu'on va voir, j'allais dire, dans toute l'histoire du rock français, c'est qu'il y a toujours une part dans le rock français un peu parodique, tu vois, qui fait rire, tu vois ce que je veux dire, qui est une tradition bien française d'ailleurs, hein. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Tu vois, voilà, et on peut partir de Maurice Vian et Henri Salvador, qui avaient fait un 45 tours où ils se moquaient, il me semble, du rock'n'roll qui commençait à germer aux États-Unis, tu vois, et qui arrivait en France, tu vois. Et jusqu'à ces crétins qui sont passés devant Macron, là, le groupe de grindcore rigolo, là, je sais plus le nom. Là. Ultra Vomit, me semble-t-il. Ultra Vomit, voilà, qui valent bien ce que ça. Qui valent bien leur nom, j'allais dire, qui portent bien leur nom, voilà. En passant par les Ludwig von 88, tu vois, il y a une tradition du rock français. Et Elmer Fudd Beat, ouais. Aussi, parce qu'il est particulièrement aussi abruti. Voilà. Bon, alors, tu vois, dans le rock parodique, il y a toujours des choses un peu rigolotes, mais ça a commencé comme ça, à l'origine. Hein. On se moque du rock, on ne le prend pas au sérieux, ça va donner des Jean-Yann qui disent « j'aime pas le rock », qui est assez rigolo, d'ailleurs. Enfin, moi, personnellement, je le trouve assez rigolo, hein. Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable. J'aime pas le rock. Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable. J'aime pas le rock. J'aime pas le rock, alors je déteste le rock, j'ai horreur du rock. Il n'aime pas le rock, je hais le rock, j'abomine le rock, je maudis le rock. Il n'aime pas le rock, j'aborde le rock, je méprise le rock, j'éteste le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable. Oh mince, il aime pas le rock. Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable. Pourtant le rock c'est battre quoi. Il n'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non. Donc je citais Henri Salvador et comment il s'appelle, Maurice Vian. Hein. Bon, après il y a des choses plus kitsch, Lynn Renault qui a fait aussi du titre rock dans les années 50. Annie Cordy aussi, enfin qui est belge d'ailleurs, pas française. Et puis tu as aussi, comment ça s'appelle, on fait moins mal. Comment elle s'appelle celle-là? C'était une copine dans les, qui fréquentait aussi les existentialistes. Magali Noël, voilà, j'ai cherché son nom. Voilà, donc ce côté un peu parodique du rock. Mais après, bon, dans les années 50 apparaissent quand même des choses. Hein. Bon, alors bien sûr, il y a le phénomène Johnny Hallyday. Moi, personnellement, Johnny Hallyday, j'aime pas sa voix, je sais pas ce que t'en penses. Bah, pour moi, c'est un peu comme le Canal Rail bah, par rapport à un bon whisky, quoi. Ouais. Ça peut avoir éventuellement la couleur et l'aspect, mais c'est en rien du rock'n'roll, qu'en fait. Bah, je dis pas en rien du rock'n'roll non plus, parce que si tu veux, t'as le Johnny Hallyday, bon, il a créé un phénomène à lui tout seul, c'est l'Elvis Presley français quand même. Certains disent qu'il a une belle voix, moi je suis pas du tout sensible à sa voix, il a du coffre, oui, mais de là à dire qu'il a une belle voix. Après, il a repris plein de standards, évidemment, bon, mais non. Johnny Hallyday, ouais. Je pense pas qu'on va en passer. La différence avec Elvis Presley, c'est qu'Elvis Presley, il a inventé les standards. Il s'est pas contenté de les reprendre. Ouais. Non, par contre, à fin des années 50, à début des années 60, il y a bien sûr Vinnie Stellor, qui lui, par contre, on peut en parler parce que c'est plus dans nos cordes, j'allais dire. Il a été repris plus tard par les Clash, tu vois. Puis arrivé tout en cuir noir. Bon, c'est un rocker anglais hein, qui a émigré en France. et donc qui a fait une carrière qui était le concurrent numéro un de Johnny Hallyday, qui a fasciné d'autres rockers plus tard comme David Bowie. Bowie était fasciné par Miles Taylor. We got the feeling. Ooh, well, I got a gal with a record machine. Baby, comes to rockin' and she's a queen. She loves to dance on a Saturday night. She's all alone, I can hold her tight. She lives on the 20th floor downtown. The elevator's broken down. So we've been climbing 1, 2, flight, 3, flight, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. Up to the 12th and I'm starting to sag. Baby, the 15th floor and I'm beginning to drag. Hit to the top and I'm too tired to rock. Now she calling me up on the telephone. She said, make it over, honey, cause I'm all alone. Say, baby, that you're mighty sweet. But I'm in bed with a aching feet. This went on for a couple of days. Well, I couldn't stay away. So we've been climbing 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. Up to the 12th and I'm starting to sag. Baby, the 15th floor and I'm beginning to drag. Hit to the top, I'm too tired to swing. Machine, baby comes to rockin' and she's a queen. She loves to dance on a Saturday night. She's all alone, I can hold her tight. Lives on the 20th floor downtown. The elevator's broken down. So we've been climbing 1, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. Up to the 12th and I'm a star to sag. Baby, the 15th floor and I'm beginning to drag. Hit to the top and I'm too tired to rock. Years and out. Well, I make it to the top, honey, I'm too tired to rock. Real low now. Well, I get to the top, I'm too tired to hang on. Well, I get to the top, I'm too tired to rock. Look out below. Qui a fait des rock'n'roll assez cinglants à l'époque. C'était vraiment le rock méchant, quoi. Avec le pantalon noir en cuir noir, voilà. Qui va influencer Jim Morrison aussi. Voilà. Pour influencer, pour mettre en perspective pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas connu, les plus jeunes, Vince Taylor, il était habillé un peu comme Marlon Brando dans l'Équipée Sauvage, tout en cuir noir, avec un look vraiment rebelle. Et autant les chaussettes noires et les gonzes de l'époque étaient à peu près inoffensives comme une portée de chaton fraîchement né, autant Vince Taylor portait comme une odeur de soufre et effectivement était beaucoup plus méchant que, en tout cas pour les ménagères de moins de 50 ans de l'époque et pour la, on va dire, la bourgeoisie bien implantée. Alors, ce que je voulais dire, tu vois, sur Johnny Hallyday, bon, Vince Taylor, n'en parlons pas, d'ailleurs, que c'est Vince Taylor, il me semble, hein, faudra voir les sources, qui a déclenché la fameuse émeute à la place de la Nation en 1963, hein, il y a eu, parce que ça cassait tout, hein. Ouais. Johnny Hallyday, il fallait voir les concerts comment c'était, hein. C'était plus Destroy que Ultra Vomit, hein. Ça cassait tout dans les voilà, ça a déclenché des phénomènes qu'on voit plus, hein, je veux dire, le rock c'était encore un truc un peu rebelle entre guillemets, les jeunes ils cassaient tout, hein, je veux dire, il y avait les blousons noirs, il y avait tout ça, et Vince Taylor c'était le plus radical parce que lui, je pense que c'est lui que quand il est arrivé à la place de la Nation, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ça a été l'émeute qui allait annoncer déjà mai 68 d'ailleurs au niveau des émeutes, hein, à Paris, hein. Voilà. Vince Taylor, bon, après, dans les années 60, tu vois, quand même, bon, moi, je respecte assez Dick Rivers, quand même. Pin Rivière, comme disait Antoine Decaune. Ah bon? Moi, je le respecte, parce que quand j'étais petit, déjà, à la radio, il passait des trucs rock sur Radio Monte Carlo, je crois. J'écoutais de temps en temps, c'était un grand fan des Ramones, entre parenthèses. Et puis, j'aime bien sa voix, par contre. Puis, son ancien groupe, les Chats Sauvages, il y avait des trucs assez rigolos, même, bon, c'est très connoté années 60, évidemment. Ça vaut pas la radicalité d'un Vince Taylor, mais je trouve que ça peut passer, quoi. Je pense que t'en penses, mais bon. Bah, c'est pareil, encore un côté un peu, peut-être trop mainstream pour moi et pas suffisamment. Et puis une question de génération aussi, c'est que bon, moi, les gens comme Johnny Hallyday ou Dick Rivers, c'était vraiment la musique de mes vieux, quoi. Donc, donc il y a aussi une opposition par rapport à ça. Et Vince Taylor, par exemple, typiquement, mes vieux l'écoutaient pas. Donc, quand j'ai redécouvert après, j'ai trouvé un côté un peu plus sympathique. Oui, ben moi, c'est pareil parce que Johnny Hallyday, c'était l'idole de ma mère. La pleuré le jour de sa mort, comme dit en français d'ailleurs, comme quoi ça incarnait quelque chose. Hein. C'est un produit typiquement français, hein, même s'il est rêvé de l'Amérique hein, tout le long de sa vie. Hein, bon, voilà, pour Johnny Hallyday, après peut-être qu'il a fait des trucs, il faudrait explorer dans les années 60, il a fait des choses avec certains musiciens de haute pointure anglaise. Il a quand même lancé Jimi Hendrix, hein. Ça faut pas l'oublier, rien que pour ça déjà, c'est déjà pas mal. Mais moi, mon sujet un peu comme toi, c'est pas trop. C'est loin d'être dans mes cordes, quoi. Bon, après les années 60, moi je pensais. Tourner la tête. Ouais. Les années 60, moi je pensais qu'il y a des choses assez intéressantes, comme Antoine par exemple, avec son groupe Les Problèmes, qui étaient des mods. Puis c'est déjà des. Il y avait déjà un son garage, tu vois, à l'époque. Voilà. Les Problèmes qui vont devenir après les fameux Charlots. Encore le côté parodique, tu vois, du rock français. On en revient. Alors je suis allé chez le coiffeur tout à l'heure, j'y vais quand même le mercredi, bah, enfin au jour d'enregistrement. Moi j'y vais deux fois par semaine. Il n'y allait pas le mercredi. Moi le mercredi parce que c'est le jour où nous travaillons, enfin travaillons sur le plateau. J'ai une coiffeuse qui est charmante, qui est blonde, qui s'appelle Joël, et puis chaque fois qu'elle prend le peigne, elle me dit, et qui interrogez-vous aujourd'hui? Et j'ai dit Antoine. Alors cette fois, au lieu de prendre le peigne, elle a pris les ciseaux. Elle m'a coupé les cheveux, j'ai pas compris encore pourquoi. C'est bête pour vous, hein. Alors, pour me venger, oui. Je lui ai chippé quelque chose derrière son dos. Ah oui, vous lui achetez. Pour vous en faire cadeau. Écoutez, mais il faudra pas lui dire. Elle s'appelle Joël. Je serais ravi que vous me l'offrissiez. Oh, joli. Joli. Joli. Vraiment très beau. Justement, je cherchais où en trouver un. Et c'est pour moi? Eh bien... Merci. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. Nous, on se fout pas mal de ton goût pour les fleurs. On porte depuis longtemps les chemises de nos sœurs. Nous ferons ce qu'il faut pour être les premiers. Ta cage est déjà réservée. Tant d'ennuis, les problèmes se mettent à m'ancrer. Avec leurs cheveux longs, on dirait des filles. Ils me font rire, hé hé hé. On le fait rire, hé hé hé. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. On est allé ensemble dans tous les monoprix, sans trouver de pilule comme tu nous l'avais dit. Ton disque ne doit pas se rendre en haut lieu où tu les impressionnes peu. Vous pouvez bien me chambrer, mais si vos mères avaient connu la pilule, vous ne seriez pas là à me casser les pieds. Laissez-moi rire, hé hé hé. Laissons-le rire, hé hé hé. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. T'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer. On serait les seuls à élucubrer. On serait maintenant vedette à l'Olympia. On casserait pour nous les mêmes fauteuils que toi. On gagnerait aussi, tu sais, beaucoup d'argent. On t'accompagnerait plus très longtemps. Quoi, vous voulez devenir millionnaire? Oh vraiment, vous me décevez. Moi qui suis si désintéressé, laissez-moi rire, hé hé hé. Laissons-le rire, hé hé hé. Laissez-moi rire, hé hé hé. Laissons-le rire, hé hé hé. Dans le même genre, il y en a un dont je vais faire, pour lequel je vais faire une émission spéciale d'ailleurs dans quelques temps. C'est Évariste en fait, qui était un type un peu bizarre. Ouais. Il était chercheur, me semble-t-il, en physique nucléaire, ouais. Au CNRS à l'époque, puis genre doctorant. Et il faisait des chansons qui étaient complètement barrées. Et effectivement, c'est vrai. Là aussi, un côté parodique, mais second, troisième, voire même quatrième degré, en fait. Pas aussi bas du front qu'ont pu le faire les Charlots. Même si les Charlots, il y a quelques titres qui me font quand même bien marrer, en fait. Moi aussi, parce que les Charlots, voilà, je respecte. Déjà, par rapport au film, ça me faisait rire. Puis il descendait des problèmes, qui était un groupe mods garage assez cinglant. Hein. J'ai écouté des titres, c'était pas mal. Tell me, connais-tu l'animal? Do you know that beast? Qui inventa? Who discovered? Le calcul intégral. Integral calculus. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures? Moi, j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette. Oh, tell me, dis-moi, do you know that beast? Connais-tu le général? Who discovered? Qui inventa? Integral calculus. Le calcul intégral. Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lisais partie, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil. Il a du fondre au soleil. S Astérix, soit plus Mégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix? Évarix le boulot. Non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé le calculateur. Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit intègre et ne fais balcon. Mais dis-moi, tell me, connais-tu l'animal? Do you know that beast? Qui inventa? Who discovered? Les campagnes électorales. Integral calculus. Sais-tu quels furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement, les bourgeois de Calais. Ce que je pense d'Antoine et de Jacques Dutronc, ça commence par C, ça finit par on. 700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1 400 000 000 de pieds. Il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal. Dans le genre garage, pour votre local, il y avait aussi les Five Gentlemen de Marseille, qui faisaient un garage 60s assez percutant pour l'époque. Et bon, ils étaient marseillais, et c'est un des premiers groupes de rock de Marseille, hein, pour être un peu local, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Tu m'as bel et bien oublié. J'ai tant d'amour pour toi. Mais si tu reviens chez moi, dans tes robes de l'an 20, tu oses tout, tu n'as peur de rien. Bien sûr, tu as un autre chic que dans tes robes de prise unique. Est-ce d'oublier ta condition comme le succès, la chanson des virus d'indifférence? Oh, j'ai tant d'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Oh. tant d'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Ah non, je ne veux pas concevoir que tu restes ainsi sans me voir. Je suis sûr que sous tes apparences tu caches une triste existence. Tu sais, j'habite au dernier. Quatre coups, tu n'as qu'à frapper. Allez, reviens vite me voir. Je t'attendrai chaque soir. J'ai de l'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Si tu reviens chez moi. Bon, sinon, il y a la grande figure de Ronnie Bird dans les années 60. L'icône des mods français, même des mods tout court, hein, qui a repris les standards anglais. Il était français, lui. Ah oui, il était français. Donc il a dans toutes les soirées mods, j'ai toujours entendu du Ronnie Bird, personnellement. Bon, il reprenait un peu des standards du rock anglais, mais il avait des compositions aussi originales. Il avait un sacré look, quoi. Il avait les cheveux à la Brian Jones. Ouais, moi, c'est le souvenir que j'en avais. Costard et tout. Avec la grosse frange. Grand fan des Dem, des Stone et des Yardbirds. Et il a essayé de faire ça un peu en France, quoi. Et il a eu un petit succès un peu plus qu'underground, quand même, hein, parce qu'il y avait dans certaines boîtes mods à Paris, là, ça passait souvent le Ronnie Bird, mais même dans les soirées mods actuelles, j'ai remarqué, ça repassait bien. Ça, c'était pour les années 60. Bon, les années 60, c'est le début du hard rock aussi, 68, 67. Puis il faut citer quand même les variations qui étaient très Rolling Stone. Avec les variations qui étaient un groupe très branché, Led Zepp et Rolling Stone, qui ont fait quelques titres pas mauvais, qui ont même, ils avaient un jeu de scène, il paraîtrait-il, très impressionnant. Ils ont même été comparés aux Stooges aux États-Unis carrément. Et avec Joe Leb, le chanteur, qui était un peu un sex symbole à la Robert Plant. Il y a quelques titres, tu vois, c'est du Stone en plus hard, tu vois. C'est pas mal du tout pour l'époque. Hein. Yeah. et toute la vague magma et ce genre de trucs. Parce que je suis dans la chronologie, évidemment. On y arrive. Alors magma, moi je les ai vus en concert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Il faut dire que magma, comment te dire, pour moi les magmas, ça me rappelle des mecs un peu plus âgés que nous, qui étaient très branchés rock progressif, mais surtout leur groupe magma, parce que j'avais l'impression qu'ils écoutaient magma. Il y avait magma et le reste du monde. Quoi. J'ai vraiment connu des mecs d'aller chez eux, tu vois, tu mets un pétard avec eux, tu disais chut, tu écoutais religieusement leur disque de magma. Bon, moi à l'époque ça me branchait pas tant que ça, hein, parce que moi j'écoutais des trucs un peu plus speed évidemment. Puis après avec le temps j'ai redécouvert, puis je les ai vus en concert, et donc il y a quelques années, et j'ai trouvé que c'était assez une espèce de messe, tu vois, une messe un peu païenne, un peu cosmique, tu vois. Et en fait magma c'est bien en concert. Mais sur scène, il y a des fois, c'est un peu pénible, quoi. Enfin, non, sur disque, je veux dire, c'est un peu pénible. Mais en concert, il y a une cérémonie un peu religieuse. C'est assez impressionnant, faut le reconnaître. Hein. Ouais. Avec le fameux langage, le cobayen. Il y avait une émission sur France Culture, justement, d'un des musicos, que j'ai écouté il y a quelques temps, de Magma, qui expliquait vraiment le délire et surtout le côté extrêmement musicien qu'ils avaient. En fait, c'était des pros. Alors c'est peut-être pour ça que c'est un peu chiant d'ailleurs, mais effectivement des vrais musiciens de compète, en fait. Oui, c'est ça. Bon, après c'est vrai qu'on le voyait un peu marqué un peu, pour nous je pense que c'était trop jazzy, progressif et tout, mais ils se différenciaient des groupes progressifs de l'époque. D'ailleurs ils avaient des ennuis avec leur signe ésotérique, tout ça. Bah, un petit peu ça annonce le punk, parfois la provocation un peu punk, hein. Bon, j'ai pas dit que Magma était cool, un groupe punk, hein, mais faut pas abuser non plus quand même. Ouais. We'll be right back. Bien sûr, mais ils étaient à part en fait, on va dire qu'ils étaient à part, mais tu sais qu'ils étaient traités de fachos à l'époque hein, quand même, hein. Parce qu'ils avaient une musique qui était vraiment à part, ils avaient tout un délire ésotérique qui était mal compris par les gauchistes, les hippies de l'époque, les babacools de l'époque, ils comprenaient pas ce délire cobayen, avec des textes liés à la science-fiction, tout ça, et ils étaient vus comme douteux, on va dire, à l'époque, hein, voilà. Donc ça, ils cassaient un peu les règles. Bon, à part Magma, il y avait des... Bon, après, il y avait plein de groupes horribles. Alors moi, j'ai connu ça dans les années 60-80, il y avait encore des mecs babacool qui écoutaient des choses comme Ange, tu vois. Alors ça me passait par-dessus la tête. Enfin, je pense que t'en penses, mais c'était... Ah ouais, ouais, de la on merde, connaissait. En gros, je ne supportais pas. Ah oui. Il y en avait beaucoup, Il y avait encore des mecs de nos âges hein, qui écoutaient ça dans les lycées, tu vois. Alors nous, on était vus comme des mecs speed, punk, qui écoutaient du bruit, tu vois. Et eux, ils écoutaient Orange, j'ai jamais rentré dans ces délires. Et là, le public d'Orange, il est un peu sectaire, comme le public de Magma d'ailleurs. Hein. Il est très branché, c'était des gens très très très sectaires. Enfin, je me rappelle de certains babacoum, c'était limite de parler musique avec eux. Par contre, il y avait des groupes un peu bizarres, un peu taxés, progressifs, un peu psychédéliques. Qui était, comment te dire, qui était difficilement étiquetable et qui avait une image qui n'était pas dans le délire un peu expérimental empoulé de Magma, qui n'était pas non plus dans le délire Baba Cool la Orange, mais qui était vraiment, qui annonçait un peu le proto-punk pour moi. Hein. Des groupes comme le fils de. Tiens, tout à l'heure je parlais de Boris Vian, Patrick Vian, il a fait un groupe qui s'appelait Red Noise. Et c'était un peu expérimental, chelou, psyché, sur scène, et c'était pas mal du la tout. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, c'est toujours de la merde. Et tiens. Ouais, il y avait un groupe comme ça. Un autre groupe aussi qui était du coin, Être en Fou, le Loup Blanc. Eux aussi, ils faisaient une espèce de... Je sais pas, c'était indéfinissable. Une espèce de... Je dirais une ambiance un peu jazzy, avec des délires musicaux, carrément. Et puis un délire proto-punk, tu vois. Alors, et ils existent toujours, eux. Oui, paraîtrait-il. Ouais. Ils font toujours les disques et ça se rapproche de toute la mouvance de musique un peu de traverse, là, dont j'ai parlé quelques fois dans l'émission, comme les Klimperé, David Fennec, Jacques Birocal et tout ça. Ils jouent tout, continuent de jouer ensemble, en fait, avec... Il y a un label qui s'appelle Musea, justement, qui continue de faire tout ça. Donc c'est pas complètement parti, mais c'est vrai que ça vient du hippie, mais ça tourne plus vers un peu le côté Residence, en fait. Ça pourrait presque être des Residence français, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Et puis... Désolé, je suis désolé pour toi. Voilà que tout le train aboie. Et puis moi, seul à l'arrière, je regarde les sillons de la terre. Tes ombres, tes contours, tes chiffons. Je n'aurais jamais cru que tu sois un garçon. Dehors, on a décidé que c'était le matin. Dehors, on a vu passer l'amertume comme des vieux nuages qui repassent sans fin. J'ai oublié d'écrire, c'est pas bien, c'est pas bien. Roule petit navire, roule petit refrain. Saute élastique rouge sur le bitume. Qui mieux que nous mérite la prison, enrichi par la peur, choisi dans les maisons. On astique la table, on passe le cirage, on compte les mégots, on surveille le chauffage. Reste encore, enfant noir, où va-t'en dans les airs? J'ai peur de ton regard, cette lumière du désert. T'en avais plein, il y avait un groupe qui s'appelait Comiterne aussi, je pense, qui était assez délirant aussi. Notre disquaire Damien m'a fait écouter ça il n'y a pas très longtemps. Je connaissais deux noms depuis les années 80, tu vois. Mais j'ai découvert découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Puis tu avais un groupe aussi bizarre, Mahogany Brain. Eux, ils étaient branchés Blue Offs, très drogue dure, etc. Rien à voir avec les hippies de l'époque, très branchés Velvet, et c'est du bruit en fait. C'est une espèce de noise où on aurait joué à la batterie le très jeune Patrick Deligne, le fameux rock critique français qui allait devenir plus, qui allait faire plus tard Asphalt Jungle, tu vois. Voilà, il y a eu de tous ces groupes-là. On pourrait citer aussi, même si c'est un peu hippie, hein, mais après peut-être que t'aimes pas toi, Catherine Ribeiro avec les Alpes. Il y a des choses pas mal, assez psychées. Bon, pas tout est bon, hein, mais il y a des choses assez planantes qui se détachent un peu de cette de la doxa babacool des années 70, moi j'allais dire. Hein, voilà. Debout

pareil, à l'époque, dans les années 80, ceux qui écoutaient Jacques Higelin, je pense que tu te rappelles, il y avait beaucoup de babacoum, malheureusement, qui écoutaient ça. Et puis c'était devenu, moi j'entendais souvent ça à la radio, même à l'époque, hein, c'était devenu commercial. Ouais. Mais par contre, il faut réécouter l'album BBH. Il y a un membre de téléphone, je crois, dedans. Et celui-là, il est un peu proto-punky, tu vois. Jacques Higelin, il a voulu se la jouer loubar, tu vois. On appelait ça les loubars, les racailles des banlieues à l'époque, j'allais dire. Et alors qu'avant, il y a eu une période un peu baba, chanteur rive gauche, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et puis là, il a changé de look à partir des années 70. Il faut dire qu'il a découvert en même temps les Stone, Iggy, les MC5. Donc ça a dû l'influencer. Paraîtrait-il que ce serait Patrick Deligne qui l'aurait influencé dans ses goûts musicaux, je sais pas. En tout cas, Higelin, à partir des années 70, moi je respecte. Hein. Bon, c'est une sorte de Charles Trenet du rock. Hein. Bon, après, c'est évident que j'aime pas tout, il y a des choses commerciales que j'aime pas. Mais très respectable. Voilà, mieux, plus respectable que sa fille. Hein. Sa fille, par contre, je ne supporte pas. Elle a un côté Janice Joplin du pauvre, j'allais dire. Enfin, c'est un peu insupportable. Paris, New York, New York, Paris. Comme un pauvre con, tout seul à Orly. J'attends ma petite Suzy qui arrive par le Boeing de 15h33, tout droit du Minnesota. Comme je peux pas rester en place, et que Suzy a une plombe de retard, flat l'idée me prend d'aller traîner mes godasses sur le dépotoir de l'aérogare qui est juste en face. Et là, vautré sur la banquette d'un jumbo jet déglingué, je rêve tout éveillé à Paris, New York, New York, Paris, comme si vous y étiez, comme si tu y es. Montparnasse à Manhattan, 5ème avenue, 6h du soir. Vise-moi ce connard! T'as pas 100 balles pour un junkie, héroïne, pressée, cocaïne, baby. Papier, New York, vitrine, you see what I mean. Pompier trop tard, Madison Square, struggle for life et business show, salaud. Lis ton journal, crise mondiale. Eddie Merckx a bouffé son vélo, panne de lumière à Santiago. Captain Nemo crash sur la lune et je taxi dans le couloir qui mène à ton dernier. Blackout, New York, bravo, bravo. Lâchez le fauve avec son ticket roué à la main. Il a faim, il a faim. Paris, New York, New York, Paris. Dans 10 ans comme là-bas, ici. Asphyxie. Dans les groupes, ah oui, oui, oui, alors là, ça, c'est une perle. C'est un groupe de Montpellier. Tout à l'heure, on en parlait des groupes qui annoncent un peu le. Mais là, on peut dire le proto-punk français. Un peu psyché, un peu belvétien. Qui tire vers O Queen aussi. Ça s'appelle. C'est un groupe de Montpellier qui s'appelle Rob Jobstar. Et là, il y a un titre, c'est Acid Revolution. C'est fantastique. C'est vraiment la rencontre entre le Velvet et le premier Pink Floyd. C'est vraiment là on peut parler déjà de proto-punk, quoi. Parce qu'il y a eu des groupes comme ça en province qui ont fait des choses un peu expérimentales, voilà, qui allaient annoncer le punk rock. Hein. Yeah. dans les groupes psychédéliques, un de mes groupes fétiches aussi quand même, c'est qui avait fait le fameux camembert électrique, c'est Gong, avec David Allen. C'est délirant, hein, qui n'a rien à voir avec Grange, hein, c'est vraiment rock, space rock, cosmique, bien barré quand même pour l'époque. Le camembert électrique, moi il me semble, c'est un délire pataphysique, c'est un ovni, hein, la production de... française de l'époque, c'est vraiment un ovni. Comme quoi, il y avait encore voilà, des trésors dans l'underground français dans les années 70. Puis, il y avait un... We'll be right back. un qui était dans la galaxie de Gong aussi, qui s'appelait Dashiell et Dayat, oui, qui a fait le morceau Chrysler Rose, qui voilà, est, je pense, peut-être le meilleur morceau de, qu'on peut garder de tout le rock français des années 70, qui est une merveille, les paroles drôles, oui, une musique vraiment bien, et franchement, un morceau qui a quasiment pas vieilli, en fait. Eh ben oui, ben d'ailleurs, ce morceau, les musiciens devinent qui c'était, c'était les mecs de Gong. Voilà. Il a été, je crois, enregistré au château d'Hérouville, où bon, lui et Guy avaient enregistré leur disque là-bas, ils violent aussi, d'ailleurs. Voilà, donc tout ce bon monde, voilà, ça donnait un rock un peu spécial, underground, qui expérimentait pas mal, qui a marqué les années 70. Et puis c'était l'époque aussi, c'était l'époque hédoniste, en fait c'était les années 70, encore le délire un peu hippie, mais c'était des concerts sauvages, des concerts gratuits, parallèlement c'est tout le gauchisme culturel. Ouais, le circuit des MJC aussi. Le circuit des MJC, il y en avait certains qui disaient il faut pas payer pour rentrer, c'est d'ailleurs des Français qui ont foutu le bordel au festival de l'île de Wight, en 69, c'est les Français qui veulent qui détruisent les barrières pour pas payer, qui critiquent le rock comme quoi c'est qui a été récupéré par le capitalisme, etc., etc. Et pour nos auditeurs, si cette période-là vous intéresse, il y a un magnifique bouquin qui s'appelle L'Underground Musical Français, qui est vraiment bien et qui retrace en fait effectivement toute cette, tu parlais de Tronfou le Loup Blanc, de Gong, ouais, tout ça, et qui le remet bien en perspective avec beaucoup d'anecdotes de l'époque, et puis qui déroule en fait jusqu'aux années 2000 pour voir comment ces mouvements ont pu continuer à faire des musiques comme ils disent de traverse, en fait, parce que c'est vraiment le bon terme, en fait, ouais, c'est-à-dire qu'ils sont jamais, ils ont jamais pris, contrairement au rock, ils ont jamais pris le feu des médias, mais il y a toujours eu un public et surtout des jeunes générations qui venaient, qui continuaient de faire de la musique un peu barrée, donc vraiment l'underground musical français, une lecture recommandée par l'émission. Tout à fait, d'ailleurs je crois que je l'avais lu ce bouquin. Il y prend les mains trouées. vont remonter, me dit. T'as Chrysler et les Français. Oui, mais on est tous des Français. Chrysler. Chrysler, oh. Oui, Chrysler. Et Sally me dit. Le levier de vitesse en moi. Non, c'est moi. Chrysler. Chrysler, oh. Capote est déchirée. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Oui, ma Chrysler. Ta Chrysler est... Oui, mais on est tous. Ta Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler, oh. C'est là que j'ai fait l'amour. On est mieux qu'au septième. Le septième ciel à travers la capote déchirée. Le septième ciel et ses nuages pas bleus. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Ouais, ta Chrysler. Ta Chrysler, salement défoncé. Oui, mais tu sais, Chrysler. Chrysler. C'est lui dit. Ma Chrysler. Ouais, ma Chrysler. Oh, mon Dieu. C'est lui dit. Donc tous ces groupes, Red Noise, Gong, même Magma, ils vont influencer pas mal de groupes plus tard que j'écouterai les groupes Noise japonais, qui les japonais ils ont fait une fixette sur cette scène underground française. C'est fou, hein, c'est dingue quand même. Hein. Bon après il y a des groupes dans les années 70, un peu heavy rock, il y a Gadafool, il y a un boogie rock un peu qui était pas mal. Quand les compatriotes genre... à moi ça. Pardon ? C'est les compatriotes à moi, ils sont. Oui, je crois que c'est de Lyon. Hein, ils étaient de Lyon, hein, voilà. Ouais. Ouah, c'était ça a vieilli, bien sûr, mais bon, pour l'époque, c'était mieux que certaines choses que Mireille Mathieu, quoi, on va dire. Par rapport aux années 70, hein, voilà. Non, alors plus intéressant que Ganafou, je les ai revus en concert il n'y a pas très longtemps, avec la belle Fabienne Shine, c'est Shaking Street. Voilà. Shaking Street, avec des membres, moi je les ai vus en concert, bon, reformés évidemment, mais il y avait des membres des Dictators, le fameux groupe Heavy Punk de New York. Hein. Et bien sympathique, quoi. Et puis Fabienne, elle avait une sacrée. C'était une bête de scène sexy pour l'époque. Hein. Voilà. Et Shaking Street qui évoluait entre une sorte de hard rock, mais avec qui respectait les groupes punk qui allaient venir. D'ailleurs, Shaking Street a participé au premier festival punk de l'ami de Fabienne, comment il s'appelle, Marc Zermati. Voilà.